tous les jours, à tout moment. On se fréquente à la grande fréquence. Les succès légendaires et l'actualité au présent. AM 940 Montréal.